طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إلى درسنا المتعلق بالعقيدة والمعتقد الصحيح في باب الأسماء والصفات. Donc on revient après une courte interruption dans notre cours concernant la croyance authentique en lien avec le chapitre des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc on a vu des règles et des fondements portant sur les noms d'Allah Azza wa Jal. Puis ensuite, on a vu des règles et des fondements portant sur les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et là, nous sommes dans la partie qui concerne les règles et les fondements qui portent à la fois sur les noms d'Allah Azzawajal comme sur ses attributs, les attributs divins. Donc là, on était arrivé à la première règle. On a passé, je crois, deux cours à expliquer le début de cette qaïda. Et c'est une qaïda azima. C'est une règle très importante qu'il convient à chacun parmi les croyants et les croyantes d'avoir à l'esprit lorsque on évoque ce chapitre, le chapitre concernant les noms et les attributs divins. Donc, باختصار هذه القاعدة كما قاله الشيخ العثيمين ماذا الأدلة والبراهين والحجج التي تثبت بها أسماء أو اسم، يعني يثبت بها اسم من أسماء الله أو تثبت بها صفة من صفات الله عز وجل، فلا بد من رجوع لذلك إلى المصدرين اثنين لا ثالث لهما. Donc en résumé, cette règle indique que pour affirmer un nom ou un attribut d'Allah عز وجل, quel qu'il soit, on se doit de revenir à deux sources, pas trois. On n'a que deux sources avec lesquelles on peut affirmer ou non un tel ou tel nom d'Allah Azza wa Jal ou un tel ou tel attribut d'Allah Azza wa Jal. Naam. Donc ensuite, Cheikh Al-Uthaymeen nous explique que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, et ces deux sources sont le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna. Donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé comme nom et attribut dans le Coran et la Sunna, on se doit de l'affirmer. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont réfuté comme nom ou attribut, on se doit, nous, de le réfuter, car on trouve ce nom ou cet attribut réfuté dans le Coran et la Sunna, donc nous-mêmes, on le réfute de surcroît. نعم طيب donc ça c'est ce qui concerne ce qu'Allah a affirmé ou ce qu'Allah a réfuté, mais comme a évoqué Cheikh Al-Uthaymeen, il se peut qu'on tombe sur des expressions ou des termes qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni réfuté dans le Coran ou dans la Sunna, ni il les a affirmés. Tamam. Donc là, Cheikh Al-Uthaymeen, comme on l'a vu dans les cours précédents, qu'est-ce qu'il recommande et quel est le chemin à suivre lorsqu'on se trouve face à de tels termes? Tout simplement, on s'abstient. On s'abstient d'affirmer ce terme-là au sujet d'Allah Azzawajal, et on s'abstient aussi de le réfuter d'une manière absolue. Tamam? Cependant, on se doit de demander des explications. Quel est le but visé par ce terme-là? Donc, si ce terme-là a pour but un sens qui est correct, un sens qui est confirmé par d'autres preuves du Coran ou de la Sunna, alors là, on affirmera ce sens-là. Donc, non pas on va affirmer cet attribut ou ce nom, mais on va affirmer le sens qu'il recèle. Et ce, en s'appuyant sur d'autres preuves. Naam. Tamam. Et si toutefois, lorsqu'on demande des détails au sujet de ce terme, et qu'on constate que le but visé dans l'emploi de ce terme est une et va dans le sens contraire de ce qui est applicable à Allah Azzawajal, donc on réfutera ce sens en fonction de ce qu'il contient comme caractère réfutable. Naam. Donc en gros, quand on a des termes qui sont ni approuvés et affirmés par Allah Azzawajal dans son noble livre, ou dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ni réfutés dans son noble livre ou dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, on s'abstient d'une manière absolue d'affirmer ce terme ou de le réfuter. Mais on cherche des détails, on demande des détails. Donc si, avec cette demande de détails, on en conclut un sens qui est plus ou moins correct, plausible, alors là, on affirmera le sens et non le terme en soi comme étant parmi les noms d'Allah ou les attributs d'Allah Azzawajal. Et si toutefois, après explication, après détail, on constate un sens qui est contraire à ce qui est applicable à Allah Azzawajal, naam, alors on réfutera ce terme. Naam. Donc ça, c'est un résumé, un bref résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et ensuite, yani, on était resté sur les exemples que l'imam Ibn al-Uthaymeen avait évoqués sur les différents points précédemment évoqués. C'est-à-dire, il a évoqué les exemples du Coran concernant les attributs qu'Allah a affirmés, comme la main, comme le visage, comme les yeux. Tout ça, c'est des attributs qui sont affirmés dans le Coran, donc on se doit de les affirmer. Naam. Ensuite, il a évoqué les attributs qu'Allah a réfutés dans le Coran, comme al-maut, comme la mort, Allah subhanahu wa ta'ala l'a réfuté dans bon nombre de versets. Il a réfuté que d'être pris ou victime de la mort. Naam. Ça, c'est une chose catégoriquement réfutée par Allah Azzawajal. Wa kadhalika an-nawm la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Et aussi, pareillement, pour le sommeil, ainsi que al-'azz wa al-i'ya wa al-dhulm. والغفلة إن الله يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون نعم وغير ذلك من ال يعني أدلة في ذلك. Et ensuite il a évoqué d'autres attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réfutés dans le Coran. نعم. Donc on est arrivé à ce passage là. فقال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة. Donc parmi les termes qui n'ont été qui n'ont, parmi les termes qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni réfuté dans le Coran ou dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, ni approuvé ou affirmé. Parmi ces termes-là, il y a la direction. Le terme yani al-jiha, qui signifie la direction. Al-jiha. Donc, est-ce qu'on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on peut affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans une direction quelconque? Est-ce qu'on peut affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans une direction quelconque? Non. Normalement, avec le bref résumé que je vous ai fait, yani, tout le monde peut trouver la réponse ou la manière de répondre. Non. Qulna, qala Cheikh Al-Uthaymeen, qulna lahu. Donc si on nous demande est-ce qu'on peut affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans une direction quelconque, qulna lahu lafdhul jiha lam yarid fil kitabi wa sunnah ithbatan wa la nafyan. On répondra à cette personne, on répondra à ce demandeur, le terme de direction est un terme qui n'a ni été employé dans le Coran ni dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Que ce soit d'une manière négative ou réfutée, ou d'une manière affirmative, ou d'une manière affirmative. Naam. Donc c'est un terme qui n'est ni employé dans le Coran ou la Sunna, que ce soit à l'affirmative ou à la négative. Naam. Qala yughna anhu, donc on répond par salat tout d'abord, en disant que ce terme-là n'est ni dans le Coran ni dans la Sunna. Ensuite on dit وَيُغْنَ عَنْهُ مَا ثَبَتَ فِيهِمَا مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي السَّمَا. Et on peut se passer de ce terme-là par les termes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a employés dans son Coran ou dans la Sunna qui nous indiquent ou qui nous affirment qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au-dessus des cieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au-dessus des cieux. Naam. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل هذا واحد. Mais en ce qui concerne le sens de ce terme-là, le but visé de ce terme-là, alors c'est soit la personne quand elle nous demande est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans une direction, peut-être que lui il veut dire dans une direction ماذا souffle, c'est-à-dire dans une direction qui est plus basse que la nôtre. Dans une direction qui est plus basse que la nôtre. Taïb, ça c'est une première probabilité. Ou jihatu uluwin tuhitu billahi jalla wa ala. Ou il veut dire par cette question qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans une direction élevée mais qui cerne l'être divin de toutes parts. C'est-à-dire il est dans une direction qui cerne l'être divin, c'est-à-dire l'être d'Allah azza wa jal de toutes parts. Donc ça c'est une deuxième probabilité. ماذا وماذا قال او جهه علو لا تحيط به او لا troisième c'est-à-dire que il veut tout simplement dire par en employant le mot le terme direction une direction élevée au-dessus de tout et qui ne cerne pas l'être divin qui ne cerne pas Allah Azza wa Jal de toutes parts. Naam. Taïb. Fa al-awwal al-irada al-irad al-awwal batilun. Fa al-awwal batilun. Donc la première probabilité est erronée. Le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala ou de penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans une direction basse, en bas. Naam. Ça, c'est totalement faux et totalement erroné. Taïb. لمنافته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. Tout simplement parce que ça contredit le caractère ou l'un des attributs d'Allah Azza wa Jal qui est affirmé dans le Coran, dans la Sunna, et même selon d'une manière rationnelle, et même par la prime nature, ainsi que par l'unanimité de la communauté, qui n'est autre que l'attribut de l'élévation. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout. C'est un attribut qui est reconnu dans le Coran et la Sunna. Donc le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans une position basse ou dans une direction basse, ça c'est contraire à cet attribut qui est affirmé dans le Coran et la Sunna, comme je viens de vous dire. Naam. طيب والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. Et le deuxième, la deuxième probabilité, pareil, elle est erronée. C'est-à-dire le fait de dire que Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au-dessus des cieux, mais qu'il est dans une direction qui le cerne de toutes parts. Non, Allah subhanahu wa ta'ala est en dehors de sa création. Donc il ne peut être cerné par aucune créature. Aucune créature. Subhanallah. Ça, c'est des choses à laquelle le croyant est appelé à croire, même si sa raison lui fait faux bond, même si sa raison ne parvient pas à concevoir la chose. Naam. Ya ikhwan, la budda na'lam anna fi bab al-ghayb العقل يعني قاصر la raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné est restreinte, est limitée. Il y a certaines choses qu'on n'arrive même pas à s'imaginer, qu'on n'arrive même pas à concevoir. يا إخوان لو تفكرون في الحياة السرمدية الأبدية هل العقل يعني يقدر يعني أن يتصور يعجز. Juste le fait de s'imaginer une vie éternelle, ya ikhwan. Wallahi, si vous réfléchissez, vous essayez de méditer sur ce caractère, une vie éternelle, vous allez voir que vous allez tomber dans une... Vous allez voir que la raison, au bout d'un moment, va se retrouver incapable d'aller plus loin dans un raisonnement. Il y a des choses dans la aqidah sur lesquelles on se doit de Sami'na wa ata'na, de dire tout simplement nous avons entendu, nous avons cru, et de ne pas chercher avec la raison de un quelconque approfondissement. Naam. طيب donc la deuxième probabilité est fausse, et la troisième qala wa thalith haqqan li'anna Allah ta'ala al-'aliy fawqa khalqihi wa la yuhit bihi shay'un min makhluqatihi. Et la troisième, c'est-à-dire le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de tout et qu'aucune créature ne peut le cerner. Aucune direction ne peut cerner Allah Azza wa Jal. Naam. Ça, c'est la vie juste. C'est la vie conforme à la vérité. C'est la vie conforme à la vérité. Voyez bien, Ikhwan. Fa, مثل هذا اللفظ أو مثل هذه اللفظة ومثل هذه الاستفصال لا يكون في بداية الكلام من حيث أنك تستعمل هذه الألفاظ هكذا لكل من هب ودب يعني وتطلق هذه الألفاظ لا لكن هذا عند المناظرة أو إذا وجدت من ينسب إليه هذا اللفظ من الأئمة وأهل الشأن فهناك تفصل وهناك يعني تذكر هذه اللفظة وتثبت المعنى الذي على وفق الكتاب والسنة وتنفي ما كان في خلاف ذلك. Donc le fait d'employer ce genre de terme, al-jiha, la direction, même si là, on l'a détaillé, comme dans l'explication de Shir al-Uthaymeen, on a détaillé le but visé, le but qui est en accord avec la vérité et les différents sens qui sont contraires avec la vérité. C'est pas un terme qu'on doit employer lorsque on évoque madame, les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, et sans qu'il n'y ait une quelconque cause. Sans qu'il n'y ait une quelconque cause. Donc normalement, on évoque ce genre de termes lorsque, justement, on nous l'a évoqué avant. On nous l'a évoqué avant, donc lorsqu'il y a un débat, alors là, oui, on retourne sur ce genre d'explication et cette méthode pour affirmer le sens conforme à la vérité. Et pour réfuter les sens qui sont contradictoires à la vérité. Mais en temps normal, on ne parle pas on n'évoque pas ce genre de termes. Tout simplement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas évoqués, ni son prophète, que ce soit à l'affirmative ou à la négative. Et deuxièmement, parce que ce sont des termes qui sont ambigus, qui ont un sens conforme et qui ont à la fois un sens contradictoire avec la vérité. Et il faut savoir que le cheval de lance des innovateurs, ce sont les paroles ambiguës, celles qui contiennent un sens vrai, en accord avec la vérité, et celles qui, dans le même élan, contiennent aussi un sens contradictoire avec la vérité. نعم. طيب قال ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. Donc là, il évoque la preuve qui affirme cette règle. Quelle est la règle, Yahwan? Tout simplement, c'est la règle, la première dans laquelle nous sommes, qui vise à dire que les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, on ne peut les affirmer que en revenant au Coran et à la Sunna. À ces deux sources-là. Au Coran et à la Sunna. Donc là, il va évoquer les preuves en cela. Qala, fa amma sam', en ce qui concerne les preuves du Coran. Donc là, il va évoquer les preuves du Coran ou de la Sunna. Naam, du Coran. Et aussi les preuves rationnelles. Naam. Taïb. Qala, فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Donc le premier dalil, c'est le verset 155 de sourate Al-An'am, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon une traduction approximative, voici un livre que nous avons fait descendre, un livre béni, suivez-le. ويعني تأملوا يا إخوان في قوله فاتبعوه فالاتباع معناه الالتزام يعني التزموا بما ورد من غير زيادة ولا نقصان. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit suivez-le, c'est-à-dire accrochez-vous-y, respectez-le sans rajouter quoi que ce soit ni diminuer de lui quoi que ce soit. Tamam. Wala shakka anna man lam yarid itlaquhu nafyan wala ithbatan fa itlaquhu munaqidun lil ittiba'. Et bila shakka, sans aucun doute, si on a un terme qui n'est ni venu dans la sunna, dans le Coran ou dans la sunna, à l'affirmative ou à la négative, le fait de le prononcer, le fait de l'évoquer, ça contredit le suivi du Coran et de la Sunna. Puisque le suivi, si on suit le Coran et la Sunna, c'est-à-dire qu'on ni on rajoute quoi que ce soit, ni on enlève quoi que ce soit. Naam. طيب وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. نعم. Et croyez, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative, et croyez en Allah Azza wa Jal, en Allah, et croyez en Allah et en son messager, le prophète illettré, qui a cru en Allah Azza wa Jal, ou qui croit en Allah Azza wa Jal, lui qui représente sa parole, suivez-le, peut-être seriez-vous guidé. Wa qawluhu ta'ala, wa ataakum ar-rasul, wa ma ataakum ar-rasul, afwan, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh, wa ma ataakum ar-rasul, wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuh, wa ma nahaakum anhu fantahu. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce que vous apporte le messager, prenez-le. Et ce dont il vous interdit, interdisez-vous-le. Interdisez-vous-le. Wa qawluhu, wa man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alayhim hafiza. Et dans un autre verset, il nous dit, et celui qui écoute, qui obéit au messager, alors il a certes obéi à Allah. Et celui qui se détourne, nous ne t'avons pas envoyé au Mohammed sur lui comme étant un quelconque garant ou protecteur. Wa qawluhu ta'ala, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Et si, dans un autre verset, et si vous vous disputez sur une chose, alors ramenez cette chose-là à Allah Azza wa Jal ainsi qu'à son messager. Si toutefois vous croyez en Allah et au jour dernier, ceci est meilleur et d'une bien meilleure. Et d'une bien meilleure interprétation. Non. Wa qawlu. Wa in ihkum baynahum bima anzala Allah wa la tattabi' ahwa'ahum. Et dans l'autre verset, il dit, et juge entre eux avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, et ne suis pas leur passion. Et ne suis pas leur passion. نعم. إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. Et donc, il y a encore plus bon nombre de preuves dans le Coran, dans la Sunna, indiquant l'obligation de croire en ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna. نعم. فالحاصل من هذه الأدلة التي سردها الإمام والشيخ العثيمين عليه رحمة الله تدور حول الأمر بالبقاء واللزوم, يعني البقاء واللزوم ما ورد في القرآن والسنة وعدم الزيادة على ذلك والنقصان. دونك toutes ces adillas, toutes ces preuves que le Cheikh Al-Uthaymeen a évoquées, elles tournent tous autour du même et unique point qui est le fait de laisser et de suivre ce qui est venu du Coran et de la Sunna sans jamais rajouter quoi que ce soit et sans jamais extirper ou diminuer ou enlever de cela quoi que ce soit. نعم. وكل نص ثم قال وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. Et là, il te dit, Cheikh Al-Uthaymeen, que tout texte qui indique l'obligation de croire en ce qui est venu dans le Coran sera également, yani tout texte qui indique une obligation de croire en ce qui est venu au Coran, dans le Coran, sera également un texte qui indique aussi implicitement le fait de croire en tout ce qui est venu dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Wa hadha amrun jalal. Wa hadha amrun azim. Wa khatir. Et ça, c'est un point qu'il est très important de soulever. Mada. Le fait de comprendre et de considérer la sunna comme étant une révélation à part entière. Donc en islam, on a le Coran et on a la Sunna. On ne peut pas se contenter de l'un des deux en délaissant l'autre. Abadan. Abadan. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets que l'imam Ibn al-Qayyim, l'imam al-Uthaymeen a évoqué, wama atakum ar-rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Combien de versets là il vient de citer dans lesquels il y a l'ordre d'obéir et de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Donc il faut prendre garde à certaines sectes qui sont répandues ici et là, même dans notre ville à Champigny, l'île Asaf et Shadid. J'ai entendu parler, même dans notre quartier, notre quartier du Poil-Abbé, j'ai entendu parler que, madame, il y a des gens qui s'affilient d'une manière absolue, d'une manière partielle, à cette secte qu'on appelle Al-Qur'aniyoun, ceux qui ne prennent en guise de preuve que le Coran. وهذه فرقة ضالة. C'est une secte égarée, Yahwan. C'est une secte égarée. Ceux qui prétextent prendre que le Coran en matière juridique, en matière de croyance ou autre, ils affirment prendre que le Coran. Ceux-là, ils font partie des personnes ou des sectes les plus égarées de l'islam. بل الحق أنهم لا ينتسبون إلى الإسلام بشيء أنهم لا ليس لهم حظ في الإسلام. Mais je dirais même plus, ces personnes-là n'ont aucune part de l'islam. Aucune part de l'islam. بمعنى أنهم وإن ظنوا أنهم في الإسلام ليسوا من أهل الإسلام في شيء. C'est-à-dire qu'ils peuvent penser qu'ils font partie des gens de l'islam alors qu'ils n'en font pas partie. Alors qu'ils n'en font pas partie, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont réfuté le caractère obligatoire de croire en la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et de la prendre comme une révélation en soi. Naam. Thumma ba'dayn, alladhi, ya'ni, la ya'khudh al-Qur'an, kayf yusalli? Celui qui ne prend que le Qur'an, comment il va faire la prière? Et là, quand on parle de comment il va faire la prière, c'est-à-dire à quel moment il va savoir que là, c'est l'heure du dhuhr, que là, c'est l'heure du asr, que là, c'est l'heure du maghreb, que là, c'est l'heure du fajr. À quel moment? Tamam. Comment il va savoir qu'il y a cinq prières? Comment il va savoir qu'il y a cinq prières? Il va trouver Saoud dans le Coran al-Karim. Taïb. Comment il va savoir que la prière du fajr, c'est rak'atayn? La prière du dhuhr, c'est arba'a. La prière de l'as, c'est arba'a. Le maghreb, salas. Ou l'isha, arba'a. Comment il va savoir tout ça s'il regarde que dans le Coran et il ne prend pas la sunna? Naam. Encore plus, Yahwan. Comment il va faire le ruku'? Comment il va faire le sujoud? Toutes ces positions-là, elles ne sont pas évoquées dans le Coran. Allahumma idan kana as-sujoud ou le ruku'. Lakin, yani, bi-ijmal, dhukira fi le Coran. Naam. Allahumma. Même le sujoud. Le sujoud ou l'inclinaison. C'est vrai qu'ils ont été évoqués dans le Coran, mais ils ont été évoqués dans le Coran d'une manière ambiguë, non détaillée. C'est dans la sunna que tu sais que yani mada, le sujoud il doit se faire à la fois aussi avec le nez. Sur le jabha ou le nez. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abdillah ibn Abbas, il a dit ماذا يسجد ماذا يسجد على سبعة أعظم. On se doit de se prosterner sur sept membres. الجبهة وأشار بيده إلى أنفه. Le prophète Hassan lui dit on doit se prosterner sur le front ainsi que comme il a indiqué avec sa main son nez. Donc lors du sujoud on doit toucher le nez. Notre nez doit toucher le sol. Naam. Waliyadain, walrukbatain, waatraf alqadamain. Et aussi nos deux mains ainsi que nos deux genoux. Et madan. Et le bout de nos pieds. Tout ça, c'est venu dans la sunna. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, comme dans le hadith du Jumu'ah, lorsqu'il est monté sur le minbar et qu'il a fait la prière. Qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit ma, yani, wa ma sana'tu dhalika illa li ta'tammu bih. Je n'ai pas fait cela que pour l'unique raison que vous appreniez ma prière, que pour vous enseigner ma prière, ma manière de faire la prière. Pareil pour le Hajj. Hein? Khudu anni manasikakum. Le prophète sallam dit, prenez de moi vos rituels. Donc le rituel du Hajj, les rituels, les différents rituels, les obligations, les piliers, les interdits ou autres. Tout ça, on les prend dans la sunna. Donc celui qui prétend ne pas avoir besoin de la sunna, qad dalla wa huwa adallu min himari ahli. Il est encore plus égaré que l'âne de l'âne domestique. Naam. Ala kulli hal, madha. Le Coran il se prend avec la sunna et la sunna se prend avec le Coran. Naam. طيب قال الشيخ العثيمين لان مما جاء في القران الامر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. Tout simplement parce que le Coran nous ordonne de suivre le prophète عليه الصلاة والسلام. Il nous ordonne de renvoyer nos disputes vers lui. Et ce renvoi là, ce renvoi vers le prophète alayhi salatu wasalam, il pouvait se faire de son vivant vers lui directement, mais après sa mort, il se fait vers sa tradition, la tradition qu'il nous a laissée, qu'on a héritée de lui. Fa'ina al-iman bil Qur'an liman istakbara an ittiba'i ar-rasul alayhi salatu wasalam al-ma'mur bih fi al-Qur'an. Wa'ina al-iman bil Qur'an liman lam yarud لمن لم يرد النزاع الى النبي صلى الله عليه وسلم. Où est donc la foi dans le Coran pour la personne qui s'enorgueillit face au suivi du prophète عليه الصلاة والسلام qui est imposé dans le Coran? Où est donc la foi dans le Coran pour celui qui ne renvoie pas ses disputes au prophète عليه الصلاة والسلام alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné cela dans le Coran? وقد أمر الله به في القرآن وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته. Et où est la foi au messager, où est la foi au messager auquel à laquelle appelle le Coran pour une personne qui refuse d'accepter ce qui est venu dans la tradition du prophète عليه الصلاة والسلام. ولقد قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons descendu le livre sur toi pour qu'il soit une explication de toutes choses. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. Et donc là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons fait descendre sur toi le livre en guise d'explication de toutes choses. Et nous, comme on vient de l'expliquer il y a quelques secondes, on constate que dans le Coran, c'est pas toute chose qui est expliquée. Et on va trouver beaucoup de choses qui nous sont expliquées dans la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. Donc, on doit comprendre ce verset qui est évoqué là, comme étant que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam fait partie de l'explication du Coran, fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a considéré comme explication de toute chose. نعم. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. Et d'une manière rationnelle, hein, donc après avoir évoqué les preuves qui affirment cette règle-là dans le Coran, voilà que, même d'une manière rationnelle, il te dit que, en vérité, pour affirmer une chose qui nous est invisible, qui fait partie du monde de l'invisible, ou pour la réfuter, tout en sachant que la raison n'a aucune place là-dedans. La raison n'a aucune place là-dedans. Le rationnel n'a aucune place là-dedans. Donc, on comprend de surcroît qu'il nous est obligatoire ou impératif de revenir au Coran et à la Sunna. Naam. Hada wa qad intahayna wa lillahi alhamd min al-qa'ida al-ula fi hada al-fasl al-mumta'. Donc voilà, on a terminé l'explication de cette première règle concernant à la fois les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc on l'a pris en trois parties. Je vous recommande les réviser afin que ce sujet soit maîtrisé. Naam.